Au château de Versailles. Écoutez. Que dit-on sur le guide de la pièce où nous sommes? Alors, nous sommes dans le cabinet du conseil. Voilà, j'ai trouvé. Ce salon jouit d'une vue magnifique sur les jardins et sur le grand canal. Louis XIV l'utilisa comme cabinet du conseil et c'est sous son règne que fut composé le décor de glace et de boiseries sculptées. Les tapis et les tentures ont été refaits d'après des documents anciens. Où allons-nous maintenant? Nous allons traverser la galerie des glaces pour aller dans le salon de la guerre. Attends, je lis tout de suite ce qu'ils en disent. Outre le magnifique médaillon de Coisvox qui représente Louis XIV à cheval, il faut admirer la coupole peinte par Lebrun. L'artiste a représenté au centre la France et dans les voussures les pays vaincus. Répétez. Que dit-on sur le guide de la pièce où nous sommes? Alors, nous sommes dans le cabinet du conseil. Voilà, j'ai trouvé. Ce salon jouit d'une vue magnifique sur les jardins et sur le grand canal. Louis XIV l'utilisa comme cabinet du conseil et c'est sous son règne que fut composé le décor de glace et de boiseries sculptées. Les tapis et les tentures ont été refaits d'après des documents anciens. Où allons-nous maintenant? Nous allons traverser la galerie des glaces pour aller dans le salon de la guerre. Attends, je lis tout de suite ce qu'ils en disent. Outre le magnifique médaillon de Coisvox qui représente Louis XIV à cheval, il faut admirer la coupole peinte par Lebrun. L'artiste a représenté au centre la France et dans les voussures les pays vaincus.